L'actualité à Nancy et ailleurs. La forêt de haies, protection d'un patrimoine remarquable, c'est un livre édité par la Gazette Lorraine en collaboration avec Flore 54. Reynald Rigolo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président donc de Flore 54. 172 pages consacrées à ce patrimoine remarquable aux portes de Nancy. L'aboutissement d'un long travail, ce livre. Oui, c'est l'aboutissement d'un long travail qui vient à la suite des laborieuses et longues années pour obtenir le classement de la forêt de haies. Ben, ça a été surtout un formidable challenge qui a été proposé à 5 services civiques différents qui se sont succédés pendant plus de 2 ans, qui ont donc collecté de nombreuses informations, parce que le massif de haies, d'ailleurs, qui a justifié son classement forêt de protection, bénéficie d'un patrimoine tout à fait exceptionnel et remarquable dans des tas de domaines. Et ce qu'on a voulu faire, c'était effectivement faire connaître ou mieux connaître cette forêt de haies qui le mérite amplement. Et on a toujours considéré à Flore 54 qu'on défend bien que ce qu'on connaît bien. Et le fait de bien connaître la forêt est une façon aussi peut-être de mieux la défendre. Donc ce livre est né de ce combat justement qui a mené à cette reconnaissance de la forêt de haies ? Oui et non. C'est-à-dire que quand on a travaillé pendant plus de 12 ans pour classer la forêt de haies en forêt de protection, on a bien sûr cherché des informations, des atouts, des billes, comme on dit, pour étayer nos dossiers. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait bien sûr des écrits de forestiers par rapport à toute la longue histoire de la forêt de haies, des écoles forestières de recherche et tout. Il y avait bien sûr de nombreuses publications d'universitaires, notamment sur les aspects géologie, géographie, avec les boucles de la Moselle. Mais on s'est rendu compte, à notre grande surprise, qu'il n'existait aucun ouvrage complet sur la forêt de haies. Donc on a relevé ce défi en disant, on va essayer, on va tenter. Et voilà, donc là le résultat de notre pari. Voilà, ça a duré 2 ans, cette écriture, avec, on vous l'avait dit, 5 services civiques qui se sont attelés à cette tâche. Oui, 5 services civiques. Moi, j'ai piloté un peu le projet aussi, donc au niveau de Flore 54, mais on doit aussi remercier quand même plus de 80 contributeurs qui nous ont apporté leur expertise, leurs connaissances, les magnifiques photos qu'on a dans le livre. Et puis donc une très belle préface de Charles-Élie Couture, qui est un écologiste convaincu et actif. Effectivement. Alors comment vous l'avez imaginé ce livre ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dedans ? Je crois qu'il y a un plan déjà de la forêt de haies. Alors le fait, c'est qu'on s'est aperçu, ça s'est fait au dernier moment, et un peu grâce au confinement, c'est que les cartes hygiène qu'on achète maintenant, qui sont détaillées, c'est des cartes bleues pour ceux qui connaissent, entre autres il y en a sur tous les secteurs, mais sur celle du massif de haies, il n'y a plus les numéros de parcelles en forêt. Donc il faut savoir qu'il y a un peu plus de 500 parcelles de forestières en forêt de haies, et que celles-ci sont numérotées. Donc les gens, maintenant, s'ils achètent une carte, ils ne peuvent plus se repérer avec la carte puisque les numéros de parcelles ne sont plus repérés. Et le fait, c'est quand même simple quand on a une carte déployée de voir les numéros de parcelles dans un carrefour. On arrive tout de suite à savoir où on est. Donc on a décidé de reproduire une carte au 35 millième et de l'incorporer dans le livre, ce qui fait que les gens peuvent se balader en forêt et peuvent se repérer pour aller visiter les nombreux lieux, détails, sites qu'on propose à découvrir dans le livre de la forêt. Quel genre de détails peut être mis en avant justement grâce à ce livre qu'on ne connaîtrait pas ? Alors par exemple, au carrefour des Cibornes, tout le monde, ou presque tout le monde connaît le carrefour des Cibornes quand on fréquente la forêt de haies. Les gens, pour certains, savent qu'il y a un château d'eau, donc le château d'eau, il se voit relativement bien. Par contre, il y a 6 bornes, on ne sait pas pourquoi, il y en a 5 qui sont d'une série, l'autre est un peu particulière, mais tout près du château d'eau, il y a des anciens abreuvoirs à chevaux qui date de l'occupation prussienne quand il y a eu la guerre de 1870 jusqu'à 1914. Donc en cas de retrait de la première armée dont la ligne frontière était à 10 km de Nancy, si Nancy se faisait envahir, les chevaux, l'armée, tout ça se cachait en forêt de haies. Et donc ils avaient déjà prévu des abreuvoirs à chevaux. Et donc on en retrouve en forêt, dont à Froire, mais on en retrouve par exemple au Cibornes. Et à quelques dizaines de mètres de là, on retrouve le plus gros arbre de la forêt de haies, qui s'appelle le gros chêne. Et donc on explique quelle parcelle on peut aller voir le plus gros arbre de la forêt, parce qu'il faut être un peu précis pour faire le tour. Un des résistants de la catastrophe de 1999, de la tempête Lothar. Donc c'est un des trésors que recèle ce livre de 172 pages. Donc vous l'avez dit aussi, préfacé par Charles-Élie Couture. Comment s'est fait justement cette préface, le contact avec Charles-Élie Couture ? Alors Charles-Élie Couture, on a des amis communs, et puis donc moi je connaissais son approche environnementale. Il suffit de regarder ses poèmes, ses textes, ses chansons et tout, axés sur l'écologie. Charles-Élie Couture, faut pas oublier, a financé la réhabilitation d'un bout de ruisseau dans le Saintois. Il est propriétaire d'une maison dans le Saintois. Il est très attaché à la Lorraine. Et on avait appris, donc avec nos amis communs, qu'il était amoureux fou de la forêt de haies. Donc on lui a tout simplement proposé, et il a accepté d'une gentillesse insoupçonnable. Et voilà, c'est Charlie Dicouture, le Nancéen le plus connu au monde, et peut-être pas suffisamment connu sur Nancy. Donc on a voulu lui rendre hommage. La forêt de haies, protection d'un patrimoine remarquable. Ce livre, vous l'avez présenté le week-end dernier à l'occasion de deux événements, à la fête de la nature à Villiers-Nancy et à la cité des paysages de Sion. Quel a été l'accueil de cette première sortie du livre? Bah écoutez, un très très bon accueil. Franchement, je ne veux pas dire qu'il part comme des petits pains, mais presque. Voilà. Donc on a bien sûr 3000 exemplaires. Mais je pense qu'on n'aura pas de difficulté à les vendre. Hein. À titre d'exemple, la ville de Villiers, elle a commandé 40 exemplaires pour donner aux 40 exposants qu'il y avait au parc de Graffigny, puisque avec les mesures Covid, la ville de Villiers ne pouvait pas offrir les repas. Donc ils ont offert le livre de la forêt de haies et on a eu un très très bon retour. Hein. Tout le monde nous a dit qu'il était super bien. On a par exemple un maire d'une commune du Toulois qui vient acheter 10 livres parce qu'il y a un mariage le 1er juin, il va donner le livre de la forêt de haies. Voilà, donc c'est vraiment un site qui est connu par tout le monde, qui est connu à l'étranger. Il y a des Belges qui sont venus acheter le livre de la forêt de haies parce qu'ils ont habité Nancy, ils ont des souvenirs indescriptibles et impérissables de leur vie, des balades en forêt de haies, et voilà, ils étaient très contents d'avoir ce livre. Alors pour se le procurer, on vous contacte à la Fédération Flore 54? Oui, à la Fédération Flore 54, ou alors lorsqu'on a par exemple des manifestations, donc pour l'instant il y en a encore une qui est programmée. On sera donc au parc du Charmois de Vendeuve-les-Nancy le dimanche 6 juin dans le cadre de la manifestation Désir de nature. Il y aura plus d'une quarantaine d'associations. On espère avoir du beau temps et avoir beaucoup de monde en respectant les gestes barrières, bien sûr. Bien entendu. Merci beaucoup, Rénal de Rigolo. Merci, bonne journée à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.